j'ave la caf, maître Yoda. Numéro se dit, j'mouille le Yoma. Si j'dois sauver la Ronda, j'y maître Yoda. Plutôt qu'Ebra, que de rouler en Honda. Double, double, prenez soit, six mon anaconda. J'rejoins le 9 de Io pour un Yoda. Viens pécho chez Oul, sinon t'auras de la yoga. La mort nique sa mère, direct on vend de la meca. Toujours ni à sa gauche pour ralasse l'avocat. J'ai peur de Dieu, j'ai peur du bleu dia. Pas peur des hommes, j'écris à la Yoba sur feuille de coca. La dalle Tony Montana, Kayate la boca. On se mangera comme victime de l'esclavage et de la Shoah. Y'a rien de funky ici, pas de Don Shoah. Mon vécu prend deux si en vrai c'est que du peur. Respecte les femmes, même celles qui ont des vierges dans la boca. J'remonte à Jota, près de ma liasse de Sheka. All-in, Caritas. Pirate armé dans Bolide, Maipan. Maître Yoda, Maître Yoda. Donne la force au chien de la casse. Maître Yoda. On sort de maison d'arrêt. Ton sol carénage. Eux, ils viennent du marais. Nous, des marécages. Maître Yoda, Maître Yoda. Cœur comme celle de Caracas. Mes meilleures années. Quand je traînais avec Bram, c'est mal à soi l'allée. Ces jours sont loin. Allez, on remballe, dis mal à nous aller. Si ça ne parle pas d'oseille, ne viens pas nous parler. Deux personnes me sourient toujours, mon banquier, mon joaillier. Un seul cop dans le poulailler. Quand un autre cop sort, toujours en foyer. Même dans la merde, jamais découragé. Rip Ribéry, mon voisin, y'a pas me soulager. Eh, P2 au boumaillé. Plus de l'espace, commence de fou allié. Souhaite ma longue vie, me souhaite pas bonne année. J'ai pas à loin avec une blonde, j'fais de 100 pommes quand faut y aller. C'est un rappeur mort, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est la fin des allocos, trop, j'vais tous les foudroyer. Supplément merguez, j'me suis en bourgeoisé. Comme la chatte à ma go, négro, j'vais tout raser. Caritas, pirate armé dans Bolide, Maipas. Maître Yoda, Maître Yoda, donne la force au chien de la casse. Maître Yoda, on sort de maison d'arrêt. Ton sol carénage, eux, ils viennent du marais. Nous, des marécages. Maître Yoda, Maître Yoda, cœur comme celle de Caracas. Maître Yoda.